Donc, oui, c'est vrai, dans le fond, que l'être humain, il est esclavagisé par rapport à l'or, mais c'est par rapport à lui-même. Dans le sens que, au fond, tu sais, je veux dire, c'est pas si difficile que ça, là. Je veux dire, des êtres extrêmement avancés, c'est pas dur, là, d'aller placer une machine dans un cours d'eau puis ramasser les particules d'or. T'as pas besoin vraiment de tant de monde que ça. Même anciennement, bon, t'as l'histoire Jason, la toison d'or. Bon, ben, moi, ce que je vois là-dedans, c'est des vieilles techniques qu'il y avait dans certains coins. T'attaches une peau de mouton à une corde, puis t'la laisses dans le lit de la rivière. Puis après, quand t'en sors, après plusieurs mois, elle est pleine, pleine d'or, la peau de mouton, parce que ça retient les petites particules d'or. Mais il reste que, bon, c'est quoi le lien tant que ça avec les dieux? Moi, je pense que les dieux, ils se nourrissent de l'être humain. Tu sais, dans le sens que c'est entre guillemets les dieux. Donc, est-ce que l'être humain n'aurait pas été modifié génétiquement pour se reproduire plus vite, puis vivre sa vie plus vite, puis dans le fond, parce qu'il y avait une conjoncture d'intérêt à ce qu'ils vivent plus vite? Une petite créature qui a le cœur qui bat vite, ça vit moins longtemps. Mais au niveau de sa perception du temps, c'est une vie quand même, dans le sens que si tu prends un animal que le petit cœur va extrêmement vite, une petite créature, ben pour lui, une journée, c'est long, plus que pour nous. Puis quand on essaie de l'attraper, on n'est pas capable parce que ses yeux, on bouge au ralenti. Donc, dans le fond, est-ce que c'est pas l'être humain qui a, par ses agissements dans le passé, a modifié sa propre nature? Parce qu'il y a eu commerce avec des êtres qui ont le dos large un peu. Parce que là, je veux dire, les dieux, dans le fond, si on regarde les vieilles histoires, ben, ils n'ont pas le si mauvais rôle que ça. Je veux dire, l'être humain, il collabore tout le temps à sa chute. Puis c'est une créature qui va être portée à imiter les dieux, puis ce qui font que les dieux, justement, sont des êtres souvent pas très sympathiques, c'est-à-dire l'orgueil. Donc, l'être humain aujourd'hui, il exploite l'être humain exploite l'être humain, puis l'or sert de support, entre autres. Mais c'est parce qu'il est comme un dieu.